Bonsoir, bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation, avec plusieurs nouveautés. Il y a beaucoup de musique qu'on reçoit, des nouveaux disques de 2017, des artistes qu'on fait aussi des découvertes, des artistes qu'on découvre et des artistes également qu'on connaît depuis longtemps et qui nous présentent encore des bons disques inspirés de rock progressif aujourd'hui. Alors, on aura également, on parlera du magazine Progressiste, le numéro 88. Il vient tout juste de paraître, puisque c'est le festival Progressiste. C'était aujourd'hui et demain. Donc, la journée d'aujourd'hui est passée. Il y avait Gong, il y avait Io Hearth, Artus et The Narcotic Daffodils aujourd'hui et demain. Ça, c'est en Belgique. Et donc, à l'espace Victor Jara. Demain, donc, il y aura Focus, le groupe qui roule depuis longtemps. Il y aura également Richard Pinas, The Wrong Object et The Green Violinist. Et justement, on aura la nouveauté de The Green Violinist ce soir, puisque ça donne que je suis un des trois gagnants d'un disque de The Green Violinist, qui est un groupe belge, qui est un projet de Monsieur Vincent Dufresne. Et c'est son second album, Receive and Transmit. Et puisque j'ai gagné, on va en faire profiter toute la communauté avec ce nouveau disque qui m'a étonné, j'ai beaucoup aimé. Donc, second disque pour cet artiste qui est accompagné d'invités sur cet album. Alors, on aura la pièce... Ah, attendez que je le prenne. Oui, puis c'est un bel album qui m'a étonné. On a reçu ça cette semaine. Justement, parlant du magazine Progressiste, on a... donc, ce sera la pièce Maladjusted de ce groupe de Green Violinist. On aura également ce qui a été mon coup de cœur des deux dernières semaines, Carp Tree. Jean-François nous fait jouer une pièce la semaine dernière, tirée de Emerger. La pièce Between Extremes. On aura également le nouveau White Willow. Également, Michel et Jean-François vous en ont fait jouer chacun une pièce là, dans les dernières émissions. Alors, j'ai un autre extrait pour vous ce soir de leur nouvel album Future Hopes. White Willow, c'est leur septième album depuis 1995. C'est le projet du guitariste Monsieur Holm Lupo. Celui-là, il est peut-être un peu plus aérien, si on veut, peut-être un peu moins... comment je dirais ça? Il y a toujours la touche scandinave, peut-être un peu moins rock, je dirais peut-être. C'est la pièce de résistance de l'album que je vous présente, Scared View. C'est une longue pièce et on voit l'étendue de ce que White Willow nous offre aujourd'hui. C'est le fun, toujours le fun d'avoir un nouvel album. Et pour débuter, Roger Waters. Vous savez que Roger Waters, bon, évidemment, le bassiste de Pink Floyd, et c'est son premier album en 25 ans, rock, là, parce qu'il y a eu Ça ira, qui est un opéra. Si on considère les albums rock, celui-là, on l'attendait depuis longtemps ou on ne l'entendait plus. C'est son sixième donc album en solo. Et Is This This Life We Really Want, c'est le titre de l'album qui paraîtra au début juin. Et il y a une nouvelle pièce là, qui vient tout juste d'être de sortir dans les médias. C'est la pièce Smell the Roses. Donc on débutera avec Roger Waters, ensuite The Green Violinist de la Belgique. Et on aura également Carp Tree et White Willow. Alors, on y va tout de suite en musique, maestro. Wake up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. your name on the bomb. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like right and wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon, we keep a human head. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. Yeah, a little is cash in the stash in the cupboard at the bottom of the stair. Money, honey. I forgive myself. As I run out of luck, it's better to comprehend. Follow the barricades, don't be a smart kid. Lay down without strain, this world is sick. I just have the time to waste away the remains of my pride as I fade away. Ground just like a stone, and I feel well, I just did. We look so cold, we're more or less the same. I let myself astray among my fellow men, 'cause I am well, I just did. Just like a

groupe norvégien White Willow, c'est leur nouvel album, ça vient tout juste de paraître, White Willow Future Hopes, avec une pochette de Roger Dean, pour ceux qui connaissent Yes. Et c'est le projet de Giacomo Omlupo, qui est un guitariste, il fait également les voix et les claviers. Il y a sur ça Mathias Olsen, qui a déjà été dans Anglagarde. On va parler d'Anglagarde dans un peu plus, dans quelques minutes. Également Lars Fredrik Reisel, synthétiseur, et ben, la chanteuse également. Tels que les albums précédents. Ça faisait quand même plusieurs, un petit bout là, qui n'avait pas fait d'album, White Willow. Celui-là est un peu plus planant, je dirais. Mais c'est un très bon album. Juste avant, un album que j'aime beaucoup également, nouveauté de la Suède, Carp Tree, l'album Emerger. Et c'est leur sixième album, puis je pense que c'est un de leurs meilleurs, quoique ça s'essouffle un peu vers la fin du disque, mais franchement, très bon album de ces Suédois. Et on avait eu également Roger Waters, on avait eu The Green Violinist, voilà, de la Belgique, The Green Violinist qui sont au festival progressiste demain. C'est comme c'est le cas pour Terra Incognita, il y a un festival. Souvent, il y a des artistes qui sont communs, mais pas du tout cette fois-là. Et d'ailleurs, je parlerai du nouveau numéro du magazine Progressiste dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, on va parler un peu des spectacles qui s'en viennent. Il y a pas mal de trucs, évidemment. Terra Incognita, les 20-21 mai. Universe Effects, Eden Song et Glasshammer. D'ailleurs, Glasshammer font sont interviewés dans le magazine Progressiste et ils parlent de leur première visite qu'ils vont faire en carrière, en 25 ans de carrière. Première visite en Europe pour le festival à Verona, le Two Days Plus One. Et... on aura la chance de les voir ici le 20 mai au Centre d'art La Chapelle. Et le 21 mai, il y aura Il Paradiso degli Orchi, Comedy of Errors de l'Écosse et Ost Sonaten de l'Italie avec Fabio Zuffanti. Et le 19, il y a également Yes, l'hommage à Yes. Donc, c'est toute une fin de semaine. On a le 30 avril, il va y avoir Ellie Jobson avec Mark Bonilla qui font un hommage à John Wetton et Emerson, Lake & Palmer. Ils sont à l'auditorium du Cégep Garneau en duo semi-acoustique le 30 avril. Également le 5 mai à la salle Jean-Paul Tardy, Anglagarde, et on aura une pièce d'Anglagarde tantôt, de leur plus récent album Ville Jans Oga, paru en 2012. Et c'est vraiment à ne pas manquer pour les plus aventureux d'entre nous dans le rock progressif. Anglagarde, leur première visite en carrière de ce groupe, et qui interpréteront de façon intégrale leur premier album Ibris, qui est finalement un des meilleurs albums de prog des années 90. Alors... il y aura également un paquet de spectacles qui ont été annoncés. Il va y avoir au mois d'août, le 19 août, Anathema. Et à la salle multi, il va avoir le 25 août, Stickman à l'auditorium Cégep Garneau. Ça a été annoncé cette semaine sur la capitale du prog. Alors, il s'en passe des affaires à Québec. Également, Roger Waters, qu'on pourra voir au mois d'octobre au Centre Vidéotron, et King Crimson le 7 juillet au Centre Vidéotron, également le 3 juillet à Montréal. Et il y a également un paquet de trucs qui s'en viennent pour l'automne. Mais bon, pour tout de suite, on y va en musique avec un de mes coups de cœur de l'an dernier, Il Paradiso degli Orchi, tiré de Il Carponeur, c'est la pièce Il Gran Finale. We'll be right back. nella notte, sudato ed agitato, disteso nel mio letto, più solo che mai. Sognavo di cadere da una diga strabordante di un oceano di colori, pronto a inondare il mio mondo con acqua di fantasia. E in fondo quella valle si vedeva solo un letto, il mio corpo ben disteso, più fermo che mai. Pensavo fosse un sogno che non facesse male, ma non vedo più pareti e sento chiaro il rumore di un'onda che sale. Mi sveglio nella notte, sudato ed agitato, buttato giù dal letto, più solo che mai. Pensavo di morire in balia di una corrente che mi strappa via dal corpo, pronto a lanciarmi sino oltre le storie di fantasia. Mi scuoteva, mi affondava, mi salvava e mi sperdeva, ma contento io perché saliva sempre più. Sapevo che era un sogno, sempre più reale, l'unico che può portare via dalle leggi che il mondo reclama. Yeah. dal mio corpo, dal mio pensare, un'onda mi spinge sempre più su, insela il corpo con la sabbia del mare, un'onda mi spinge sempre più su, divide il mio corpo dal mio pensare, un'onda mi spinge sempre più su, insela il corpo con la sabbia del mare, un'onda mi spinge sempre più su.

Très bon, et j'ai bien hâte de voir ce spectacle. Alors, on est très chanceux à Québec. Après Anglagarde, on aura, c'est un nouveau groupe de la Pologne, Trespass. Ça va faire un troisième groupe qui porte ce nom-là. C'est leur premier disque, Cockatrice. Et c'est très spécial, c'est assez théâtral dans le vocal. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que toutes les pièces sont composées à partir du piano. Il y a un très bon piano dans ça, avec une prise de son d'un piano acoustique. Et c'est un album qui est vraiment le fun à écouter, Trespass. Donc on aura ça juste après, on découvrira ça, une nouveauté, après Anglagarde. Et après ça, on ira avec Cosmographe. Cosmographe, c'est leur nouvel album qui vient tout juste... Ben, en tout cas, c'est paru en 2016, The Unreasonable Silence. C'est le projet de Robin Armstrong. C'est leur sixième disque. Et ça, c'est une pièce qui est offerte avec les compilations qui viennent avec le magazine Progressiste. Là, c'est le nouveau magazine numéro 88. Il y a sur ça Cosmographe. Il y a le groupe américain High qu'on découvre. Gustav Erling Saga, dont Jean-François a fait jouer une pièce la semaine dernière. Ingranaggi de la Vallée, qu'on vous a présenté aussi. Il y a Promenade, que j'ai découvert, un groupe d'Italie. Shaman Elephant, qui a déjà joué ici, Andy Pickford et Demiriscus, que je ne connais pas. Il y a également une compilation qui va avec le magazine Progressiste, en fait le Festival Progressiste 2017, et également la compilation du Progressiste 87 qui n'avait pas été là dans le magazine précédent. Donc avec ce nouveau numéro 88, vous avez trois compilations. Ce qui est intéressant, le magazine, il y a des belles interviews. Ça m'a fait drôle de lire un classic rock sur Leonard Cohen, ça, très bien écrit. On parle d'albums événements, Mike Oldfield, Return to Homadown, justement Gustav Erling Saga, Ingranaggi de la Vallée, l'album de High, les deux disques de Deer Hunter. On parle du Searching for the Spark, là, le gros coffret de Stevie Ledge. Également une chronique sur les albums plus dans le jazz avec le groupe Placebo. Il y a une entrevue avec Arjun Lucassen sur Arion, puis c'est sur le nouvel album qu'ils viennent de faire. Et puis une entrevue où il demande s'il a envie de d'avoir Steven Wilson qui chante sur son album, puis il dit ah, tu sais, Steven m'a répondu, je chante pas je chante pas assez bien ou quelque chose comme ça là. Ils se connaissent depuis plusieurs années, mais ils collaborent pas ensemble. En tout cas, c'est le fun à lire. Il y a évidemment, on parle de l'engrenage de la vallée, l'ingrenage de la vallée, et leur parcours musical, et des chroniques. Il y a une entrevue, comme je le disais, avec Glass Hammer. Donc à découvrir le nouveau magazine Progressiste numéro 88, et grâce à ça, bon, on écoutera Cosmographe ce soir. Mais juste avant, bon, Anglagarde et également le groupe polonais Trespass.

lost 3,000 different colors. Your head might need to follow. Light shining on the stage. It's time for us to jump. Incompetence is seating players, those who win. There's no one here to judge. Audience, it's silent still. My belt is fastened tight. You do my thing tonight. Now slowly close your eyes. We are killed by the dawn. Up, it's time to start. There's no encore, no applause. Bring some fun to the dance is thrilling still. My bell is fastened tight, you pull my string tonight. Now slowly close your eyes, we are killed by the dawn. Get ready for a flight, our bell is fastened tight. One thing I know for sure, you will be walking down at last. 3,000 different colors, your head, my feet move hollow. Lights shining on the stage, it's time for us to jump. Thank you.

in the last house that stands in Old Hall Sands, John Prettyjohn and his sister are the sole population. Touched by the passage of time. Descending the cold steps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight. From henceforth I shall rot in a stinking bed of red straw. Right from the ashes of life I learn to behave. What to believe, what not to say, from cradle to grave. Ah, like a good little slave.